À peine 5 minutes de retard pour ce début de Pyongyang City Rockers, numéro 432, c'est normal, un seul grand leader ce soir pour vous en mettre plein les oreilles. Les autres, certainement flânent de par les pâtures et les champs, vu qu'il fait beau, les petits oiseaux chantent et s'enculent sur les branches, comme disait l'autre. Voici donc une émission qui va être en grande partie consacrée aux concerts qui s'annoncent pour cette fin de semaine et pour le début de la prochaine. On commence quand même avec une vieillerie, 1915-16, italien, Quaxo, c'est je pense le seul titre qu'on ait pu, qui soit rescapé de la production de ce groupe qui a duré à peine 2 ans, et dont au moins un des musiciens, le chanteur en la circonstance, est devenu une star de la chanson italienne, mais juste en italien, pas en France. On a déjà ce qu'il faut ici comme rigolo. Pour l'instant, voici justement de la musique de rigolo, Quaxo avec Où, voilà. C'est Pyongyang City Rockers, c'est parti sur Campus 106,6, DAB+, 7C, Oi et bonsoir. We'll be right back. Allez, je vous avais promis de parler des concerts qui vont avoir lieu en cette fin de semaine. On commence tout de suite avec ce qui va se passer demain à Dunkerque au skatepark. Il y aura le Cavel Skate numéro 2, héritier du premier nom qui a eu lieu l'année dernière. C'est au skatepark de Dunkerque, route de l'Écluse Tristram, le bateau tout le bas loin. Il y aura donc non seulement du skateboard, mais aussi de la zizik. Ça ouvre à 15h30, ça commence à 16h30 avec une session libre. Vous faites tout ce que vous voulez. Ensuite, après, à partir de 19h, il y aura un concours Best Tricks avec plein de bidules de skate à gagner. Et puis à 20h, ça se conclut sur deux concerts. Premièrement, les copains de Dézingue, qu'on va pas écouter tout de suite. Ça sera tout à l'heure parce qu'ils ont une actualité chargée, ces gens. Et puis il y aura aussi les hardcoreux dunkerquois de Lofrop. Lofrop qu'on va écouter juste après, que je vous ai dit donc que c'est Caval Skate numéro 2, organisé par l'association Cavalcar. Oui, j'ai oublié de dire que ça coûte des sous pour entrer, c'est 2 euros. Sauf pour les étudiants, c'est gratuit. Franchement, ça vous grèvez votre budget. Voici donc un petit titre de la frappe qui vont passer demain au Caval Skate. On les écoute ici avec Nice Boys, rien à voir avec un certain groupe australien. Yeah. 20h15 à l'antenne de Campus 106,6. Vous écoutez Pyongyang City Rockers numéro 432 avec un grand leader tout seul qui vous fait l'inventaire des concerts de la semaine dans la région. C'était La Frappe juste à l'instant. Par contre, et qui passeront demain à Dunkerque. Par contre, demain soir, si vous êtes à Lille, vous allez à FIV à la Bourse du Travail pour la grève partie numéro 4. Fille, petite fille et arrière-petite fille des grèves parties précédentes organisées par je ne sais plus quel syndicat de gauchiste encore. Ça va être donc à partir de 18h et jusque vers minuit des concerts, du théâtre et puis un petit peu de tout. Il y aura donc Électrogène, c'est des reprises pop, les Chicombrésés, du théâtre militant, Révolution, c'est de la gratte militante, Stranger Strings, du bluegrass, Ras-le-bol, des punk covers de lutte avec, il me le semble, deux anciens de Rich Soul et Rich Boys. Il y aura Scalogs et leur punky reggae partie bien connue, et ça finira avec du hip-hop et DJ Osiris. Tout ça Bourse du Travail, 254 boulevard de l'Usine, à partir de 18h demain, jeudi 30 avril. Voici donc tout simplement Scalogs qui vont nous faire un titre de leur dernier album, Leave It Now. Scalogs à l'antenne de Campus 6,6, Pyongyang City Rockers qui vous parle maintenant de ce qui va se passer le 1er mai à Arras. Faut qu'on parle d'Arras quand même. Il y a toujours eu des concerts le 1er mai, concerts gratuits en plus de ça. Avant c'était place Deep Switch à côté du truc de bouquins et littérature là. Et puis ça s'appelait je ne sais plus comment. Maintenant ça s'appelle Call of the Rats et ça se trouve dans le parc Val de Scarpe. Et puis ce vendredi 1er mai, vous aurez concert de Astroïdes. punk rock lomois, mais aussi du post-hardcore qui vient de Rennes, Gravier, les garages post-punk lillois, Rouge on Mars, de l'indie rock, Led Blossom, ça c'est du metal, Elliot Specials du garage rock, Mister X c'est du stoner blues, Marlins, du hard et Lieutenant Cobb du blues, tout ça au Val de Scarpe, place de la Guinguette à partir de midi, ça va être donc à Arras pour le fêter le 1er mai en musique et en même temps en revendication. N'oubliez pas d'aller à la manif quand même le matin. Et puis après, bah, vous débarquez à midi au Val de Scarpe et vous y verrez entre autres le concert de Astroïdes, Astroïdes sans S qu'on écoute maintenant dans les allumettes. Je n'ai pas de preuves formelles, mais vous devez me croire. Il y a un grand danger. Pour Tokyo, pour le monde entier. Patron, vous devez me croire. Bon, les concerts, c'est bien joli, mais des fois aussi, il faut donner des nouveautés, même si elles sont pas vraiment de nouvelles. Ça date de février 2025, ce que je vais vous passer maintenant. Ça vient de Tallinn, capitale de l'Estonie. C'est un groupe qui répond au nom de C. On va savoir ce que ça veut dire, j'ai pas trouvé. En tout cas, ils ont sorti un album qui s'appelle Sinolima Peab, donc en début 2025. C'est de l'emo-core comme à la bonne époque. Voici maintenant Outvikne, là, un truc pas vraiment joyeux, ça cause de poussière et de crasse qui s'accumule sur la vie et sur l'âme jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un silence de mort. Outvikne, silence de mort par CC. Merci, c'est on continue, on reprend la liste des concerts du 1er mai. À Ypres aussi, ce sera le Labor Day Hardcore Evening au Wortenwies. Vous pourrez assister au concert de Nilik, Direct Action et 13 Stern, ce dernier groupe étant un groupe anglais avec un néerlandais qui est au chant. Ils vont donc venir vous faire leur street punk au Wortenwies à Ypres à partir de 19h. En plus, l'entrée sera gratuite. Vous voyez, vraiment, le 1er mai, c'est le jour des cadeaux, vu que c'est aussi un jour de lutte et de réjouissance des travailleurs, enfin même ceux qui ne bossent pas. Voici donc, on va commencer par un petit titre de Nilik, Godless Bastard, et ensuite, ça enchaînera avec 13 Stern, The Beaten Path. Pour l'instant, Nilik. Let's go! À l'instant, c'était 13 Stern, les néerlando-anglais 13 Stern avec Beaten Path. Et juste avant, c'était Nilik avec Godless Bastard. J'ai oublié de dire que Nilik, ça veut dire Nothing in Life is Certain. Rien dans la vie n'est certain. C'est pour ça qu'il faut profiter de ces concerts qu'on vous annonce. Il est 20h32 à l'antenne de campus 106,6. C'est Pyongyang City Rockers numéro 432 spécial. Concert qui vont se passer dans pas longtemps. Et puis maintenant, eh bien, voici encore un truc qui va se passer ce vendredi 1er mai, cette fois-ci au Bidule, à Oisem, 19 rue Henri Kolb, il me semble. Il y aura Three Fingers Kid, c'est quoi cette affaire? C'est de la Dream Pop, il y aura aussi Cardi, du Slowcore, Cat Nothing, de l'Indie Folk et Naked Nurses, et leur Queer Noise, Naked Nurses, qui initialement devait venir ce soir expliquer l'évolution de leur musique, et puis aussi annoncer les concerts qu'elles vont faire dans pour longtemps. Malheureusement, ces personnes sont extrêmement prises par leurs activités diverses et variées. Donc on les recevra, mais plus tard, normalement, et si tout va bien, dans le courant du mois de juin, vu qu'en mai, on est déjà complètement surbooké. D'ailleurs, je donnerai tout à l'heure le calendrier des festivités du mois de mai dans Pyongyang City Rockers. Voici en tout cas un des groupes qui vont passer ce vendredi 1er mai au Bidule à Oisem à partir de 20h. Encore une fois, quelque chose à entrée gratuite. Voici donc Naked Nurses avec Turn Up the Tension. The execution chamber. He is walking unassisted, walks straight to the chair and is seated himself in. One of the execution team members is now in the process of securing the back strap. Thank you. des cauchemars de violence sexuelle, des morts, toujours en son nom. Je me sens grêle de mon libido, le cœur, les crispations, les tachycardies, les vertiges. Ce que vous venez d'entendre, c'est Autolyse. Ils ne passeront pas dans le coin ce week-end. Pourtant, c'était bien parti. Vu qu'ils faisaient partie de la première affiche du Wham Jam numéro 10 qui va avoir lieu ce samedi à Kurne, à côté de Courtrai, donc pas loin de Lille, etc. Malheureusement, ils ont dû se décommander. Il y aura quand même plein de choses bien. Logi, Influence, Mind War, Lifeless Past, Essien, Headshot, Daggers, Mug, Listed, Ultraviolent et Back to Back. Et puis en plus de ça, pourquoi commencer l'après-midi au Yansan, donc là où ça se passe, ce Wham Jam numéro 10. Il y aura aussi une Tattoo Jam avec une bonne douzaine de tatoueurs, dont l'excellent Yanti, que je salue au passage. Ça se passe donc au skatepark Yansan, à Rolbeckstraat numéro 36 à Kurne, juste après Courtrai, quand vous venez de Lille-Roubaix-Tourcoing, à partir de 15h. Et puis, c'est 25 balles pour les concerts. Et la Tattoo Jam, par contre, là, l'entrée est gratuite. Voilà. En tout cas, pour voir tous ces groupes-là, 25 balles, je dis, bon, ça, non, en fait, c'est 18 balles si on fait la pré-vente. Il n'y a plus qu'à regarder le lien. Il se trouve sur le superbe site web shpunk.org. Et puis, vous ne paierez que 18€ pour voir tous ces groupes au Wham Jam numéro 10. Voici donc un petit truc qui va passer, par contre, là, qui ne s'est pas décommandé. C'est les Néerlandais de Lifeless Past. On les écoute tout de suite avec Going Nowhere. We'll be right back. Nice Boys, cette fois-ci par Rostatou. C'est le deuxième Nice Boys que je passe ce soir. Le premier, c'était tout à l'heure, un des premiers titres que j'ai passé dans cette émission par les Dunkerquois de la Frappe. J'avais fait une allusion à un groupe australien. Il vient de passer, Rostatou, Nice Boys, ça date de 78-79. Ouais, fallait le passer un jour. Il me semble que c'est un titre qui est passé dans le numéro 1 de Pyongyang City Rockers à l'époque, avec uniquement Gaël et moi-même. Gaël, à qui je fais un petit coucou au passage. Encore quelques petites annonces, vu qu'il est déjà 20h et presque 50 minutes à l'antenne de Campus 106,6, patati patata. Ce samedi, si vous restez à Lille, vous pourrez ce samedi 2 mai après, si vous êtes à Lille, vous pourrez aller au Lyoté à Moulins pour une réunion publique titrée Méga Canal, Méga Scandale. C'est une réunion publique sur la lutte contre le méga canal Seine-Nord Europe, vous savez, le machin qui sert à rien, mais qui va coûter la peau des fesses, et en plus de ça, qui va foutre un bordel pas possible dans l'environnement. Ça sera au Lyoté, 12 rue d'Oisem, Moulins, à partir de 16h. C'est proposé par le syndicat des travailleuses et travailleurs de l'industrie du commerce et des services 5762. C'est un syndicat de la CNT. Hein. Voilà. Et puis, si vous voulez plus d'informations sur ce truc-là, et puis savoir comment vous pouvez aider les gens qui luttent contre ce grand projet inutile, qui aurait été très bien, peut-être sous une autre forme, il y a 40 ou 50 ans, mais qui, à l'époque où nous parlons, est devenu totalement inutile. Bah, vous rendez au Lyoté ce samedi à partir de 16h. Le soir même, vous aurez le choix entre encore plein de concerts. Je choisis au hasard Agora Ramcroix, Au bout de nos rêves, vu que ça fait longtemps qu'on n'a pas annoncé de concert dans ce merveilleux endroit, dans cette émission. Donc au BNR, il y aura Barrel Kick, Got Your Back et Wizards of Oi, Street Punk, Punk and Roll, etc. Au bout de nos rêves, à partir de 20h30 et pour 10€ l'entrée. Voici donc les Rennais, encore des gens de Rennes. Voici donc les Rennais de Barrel Kick avec Glad to See You Again. Non, c'est pas les Ramones. We'll be right back. Vous écoutez Pyongyang City Rockers, numéro 432 sur Campus 106,6. On continue cette petite revue des concerts intéressants de ce week-end. Toujours ce samedi 2 mai, le temps passe vite, il y aura à Dunkerque, on retourne à Dunkerque, au MAC, aux Dames du MAC. C'est un bistrot qui se trouve 58 place du MAC à Dunkerque. Il y aura les Immortels, c'est des reprises de punk français des années 70 et 80. Et puis il y aura aussi les copains de Dézingue avec leur ska punk rock, ça sera à partir de 21h, ça sera entrée gratuite. On y va pour les soutenir, et puis parce que ce qu'ils font comme musique, c'est vachement bien. Voici donc Dézingue avec Fardeau. Encore un peu de philosophie. Vous voyez ce fardeau que chacun porte sur son dos, le fameux j'en ai plein, ça quoi plein le dos. Merde accumulée au fil des années, ce sac trop lourd m'a supporté. J'ai décidé d'essayer de l'abandonner, de m'en débarrasser à tout jamais. Le projet partir sans me retourner, sans mort, sans gré, ni remords, ni regret. Un fardeau qui nous empêche d'avancer, il rit triste ou malheureux, malheureux. Un sac de merde accumulé ou au fil des années devenu trop lourd, moi supporté. Tant pis ou encore tant mieux, faut savoir oublier pour se délester. Tant pis ou encore tant mieux, faut savoir se libérer pour avancer. On a tous un fardeau chargé d'illusions et de désillusions. On a tous un lot d'injustice et de trahison. On connaît tous ce goût amer d'aigreur, de rancœur, d'erreur accumulée. Coupable d'être parfois soi-même, celui qui crée l'heureux, celle ou celle qui ne doit rien ou à personne. Capable de se libérer de ce sac à supporter. Depuis, j'avance sans glaive, sans bouclier, ni remords, ni regrets, ni remords, ni regrets. Dézingue sur Campus dans Pyongyang City Rockers 432. On passe à ce qui va se passer ce dimanche. On reste à Oisem, au Sarrasin, vu qu'il y aura du rap et du hip-hop avec Sinoc et toute sa bande. Siwak, Sinclair, Yagi, The Nail Live. Ils seront tous au Sarrasin, 52-54 rue des Sarrasins, à partir de 19h. Il y a une belle affiche que vous pouvez mirer sur spunk.org en y allant dès maintenant. Voici donc Siwak qui va se produire lors de cette soirée qui s'annonce mémorable. Siwak avec Dérangeaison. Savoir si je suis déprimé ou si je suis sobre. Aucune raison de me vanter de ma sale soif d'ocre. Faut que je m'arrache, pas d'ici mais la cervelle. Faute d'attache, ma vie de façon se fait la belle. Le soir je me creuse le ventre en espérant trouver le sommeil. Mais j'ai pas la bonne pelle, merde y'a de l'acide sur la mienne. Pourtant j'essaye, à quoi bon je veille. Lynché par tribunal des peines. Des voix qui traînent, vide mes veines, j'entends ses souffles et la dernière merveille. Pendant que mon cœur transpire la haine, j'attends que tes peurs expient le règne. De toute façon, quitte la reine. Je me bats pour voir briller les yeux des potes que la folie décime. Je vais pas toujours lier alcool et beuh sans que ça saigne. À deux pas d'emprunter la rage de ceux que ma police assassine. Et ce monde est trop malade pour que mon âme soit saine. Mes oreilles l'arsènent, toutes ces merdes que ces salauds nous assènent. J'essaie de garder les rênes, ça fait longtemps que j'évite leur gêne et regard obscène. En attendant de dormir, j'essaie de parler avec les insectes dans mon corps qui remontent le long de ma jambe et des tapis sont l'intérieur. La peau s'affine et s'abîme pour des millions de pattes. Je la sens pâlir et tarir sous les mignons impacts. Et leur sœur qui déjà referme ses huit pattes sur mon cœur. Galope mes intestins, salope, crache ton venin. Gratte, gratte ma gorge pour faire vomir, hurler et puis chialer quand la dernière tisse sa toile dans mon veau-cerf, créant ses propres liens et m'empêchant de bien penser. Des insectes dans mon corps roule sous mon œil, tes pattes rachitiques prouve ton orgueil de tes actes maléfiques. Faut pas que je dorme, vais peut-être pas me réveiller. Les gardes se tiennent à l'entrée, les sangliers sont lâchés. La nuit est morne, faut pas que je dorme. Les sangliers sont lâchés. Je dors les yeux ouverts, je les vois tous s'approcher. J'ai déjà fini ma bière, je suis même pas encore réveillé. Un filet fétide ferme chacune de ses fibres, tout est flou. Tout est flou, tout est flou. Je veux me saisir de ton bras, mais tout ce que je sers c'est mon cou. C'est mon cou. Avalé par mon lit, affalé sous tes cris. Y'a peu de rêves qui me plaisent, de toute façon j'oublie la plupart. Dormir ne m'apporte dans tous les cas que des cauchemars. Alors je m'en fume constamment. Vous écoutez Radio Campus Lille, il est 21h. En attendant, y'a que mes mâchoires qui claquent. De ces vieux jours où c'est nos joues qui devenaient rouges. Et pas les mêmes angoisses à ce que germaient les plaques. Alors je casse mes plumes sur chaque virgule, gratteuse compulsive. Je perds mes ongles dans ma chair vive. On m'arrache la peau et je dois continuer à vivre. Me dépêcher d'écrire quitte à me casser le poignet. Histoire que je garde un peu d'encre, c'est le sang qu'il faut faire couler. Pourquoi je continue de me défaire la peau, à croire que j'essaie de muer. Faut pas que je dorme, je vais peut-être pas me réveiller. La nuit est morne. Les gardes se tiennent à l'entrée, les sangliers sont lâchés. Les sangliers sont lâchés. Faut pas que je dorme. Les sangliers sont lâchés. Les sangliers sont lâchés. Les sangliers sont lâchés. Je pensais être un rocher face à mes sentiments, mais je suis qu'une brindille face au vent. Pendant que le verbe se morfondre lui reste si bien construit, je dis sparer sous la pluie. Je crois que j'étais venu faire mes aveux, mes avant. Jette de l'eau sur mon corps, à feu et à sang. Siwak à l'antenne de Campus en 6,6 dans Pyongyang City Rockers, il est 21h01. On reste encore ensemble pour quelques temps dans ce PCR numéro 432. Je parlais d'une belle affiche avant avec ce concert rap qui va avoir lieu ce dimanche au Sarrazin. Et ben, encore une belle affiche à la fois graphiquement et puis par rapport aux gens qui y sont présentés. C'est le concert qui va avoir lieu au Centre Culturel Libertaire ce mardi 5 mai, organisé par GZL Vénère, des habitués abonnés à Pyongyang City Rockers. Il y aura en effet les Lillois de Hunky's Dead, leur Metalcore Breakdown, Metalcore. Il y aura aussi les Coloniens, en fait ils viennent de Cologne en Allemagne, de Passed Out, c'est du hardcore, et puis Spiruline, du hardcore assez métallisé, qui vient de Paris, avec donc, je disais, une belle affiche avec des voitures cassées, mais qui a encore fait ces choses affreuses. Il y en a même une qui est immatriculée 1312. Ça ne ressemble vraiment à rien. Ce concert sera, comme d'habitude, à partir de 20h30 et à prix libre, comme tout ce qui se passe au Centre Culturel Libertaire. Et ben, on écoute tout de suite un titre de Spiruline, So Easy Being Them. What are you doing here, honey? You're not even old enough to know how bad life gets. Obviously, doctor. You've never been a 13-year-old girl. For you, no place to fucking hide. We want this to see. Non, non, c'est pas tout de suite. Ce qui va passer maintenant, j'avais envie de vous passer un petit groupe de la région, mais avec, enfin de la région, c'est des Belges, mais ils sont quand même du coin, avec des vieux de Funeral Dress et This Means War dedans, et un jeune qui a déjà joué dans Killed by Hippies, c'est Two Fingers Up, encore du véritable punk avec deux doigts en l'air. Ils ont sorti un 4 titres en octobre 2025, on écoute tout de suite un extrait, Strike a Match, Two Fingers Up. We won't give it. Up was until you run on your broken back, and they take a little more. You can't fight it no more. You wanna scream and shout, you wanna let it out. Fingers Up à l'antenne de Campus en 6,6. J'ai complètement oublié d'annoncer les prochaines émissions, vu que là, Pyongyang City Rockers 432 tire à sa fin. On va quand même annoncer ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. La semaine prochaine, le 6 mai, dans cette même émission, numéro 433, on aura la joie d'organiser un petit concert. On va essayer d'organiser un concert du nouveau projet de Phil, ex-Ulfi. Ça y est, je ne retrouve plus le nom de son groupe. Ah oui, c'est Phil Note, ça veut dire Phil rien. Et puis ça va encore être de l'électropunk, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Ça c'est pour la semaine prochaine. La semaine suivante, donc le 13 mai, on aura les Tournaisiens de Crack Park qui viendront nous présenter leur dernière production, et puis on boira des coups, comme d'habitude. Et la semaine d'après, le 20 juillet, on aura les gens de Jodie Foster pour présenter le concert des 10 ans de Jodie Foster qui va avoir lieu au Black Lab à la fin du mois, le 25. Le 25 ? Ouais, ça doit être un truc comme ça, le 25 mai. Bon, enfin bref, on aura le temps de réannoncer de manière plus sérieuse ce concert, ainsi que les futures émissions de Pyongyang City Rockers. Pour l'instant, voici un dernier titre après que je vous ai dit au revoir et à la semaine prochaine. Pyongyang City Rockers numéro 432, c'est enfin terminé. Ça vous a cassé les oreilles ? J'espère bien. On se retrouve la semaine prochaine donc avec Phil Note en concert. Ça va marcher. Hein. Voici donc un titre de Mossy, les Rennais qui vont passer au Call of the Rats, festival gratuit à Arras ce 1er mai. Mossy qu'on écoute maintenant avec Jusqu'ici tout va bien. Et pourvu que ça dure. Et puis à la semaine prochaine. Et on n'oublie pas ACAB. tout va bien. Il paraît que les restaurants sont pleins. Il m'a même fallu 3 semaines pour avoir une table chez Coluche alors.